descendant from North Dakota, but he got his nickname in Texas as he worked there in oil fields and on stage with a country western band. After a major injury, Slim Jim made his way back to the Midwest, reconnecting with his younger brother Clarence, and the two began hosting a radio show in Minneapolis. Combining their personal influences with their shared Norwegian heritage, Slim Jim and the Vagabond Kid became two of the earliest media stars in Minnesota. Throughout the 1930s, their live, on-air performances included comedy routines, special guests, Bible recitations, and hymns. But most beloved were their tunes, carried by Slim Jim's country-style guitar and their original lyrics, sung in Norwegian. Minnesota Music Notes is produced by Ampers. Made possible by Minnesota's Arts and Cultural Heritage Fund. Online at ampersmusic.org. Listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et le programme que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir. On a une grande équipe ce soir. Mm-hmm. We have a very big team. We have Dana, we have Romain and Chloé. Chloé is Romain's daughter. Special guest. Bonsoir, and Chloé. Bonsoir. And myself, Frédéric. So this is going to be a special Christmas show. Mm-hmm. Donc, émission une fête. Émission de fête pour Noël. Mm-hmm. Avec ouais. Plein de chansons de Père Noël et de sapins et de neige, d'étoiles et de petit Jésus. Et pourquoi pas les chansons classiques de Noël pour commencer. Ok, donc on va y aller. Les trois premières chansons qu'on va entendre sont les chansons de Tino Rossi. Et la première chanson va être Petit Papa Noël, un grand classique des classiques. Mon beau sapin, My Fantastic Pine Tree, Christmas Tree, and Vive le Vent. How do you call that? Jingle bells. Jingle bells. It's jingle bells, but like it's like hurry to the wind, pretty much. So, all right, on y va. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras.

Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Et voilà, vous êtes revenu sur Bonjour Minnesota. Feel free to follow us on kfai.org. Sorry. That could be. Well, actually, kfai.fr may be something. That could be something. Ça peut exister, hein? Yeah. Let's go knows? Check it. It might be a domain. Oh. Let's check it out. No. Right. We heard Tino Rossi with the classic song of Petit Papa Noël, Mon Beau Sapin, and Vive le Vent. We have more songs for you coming, Christmas songs, classic songs. The songs that I have lined up after that are going to be Noël Blanc, or White Christmas, from Vox Angeli, and Noël Guérandais, de Trianne. Donc on va plutôt côté Bretagne. Like we're getting closer to Brittany. Mais toi aussi, t'es allé en Bretagne. Tu m'as l'air un peu enrhumé, non? Il fait froid là-haut. Qu'est-ce que c'est que ces commentaires de PACA? Non, la région sud, s'il vous plaît. Elle vient d'être changée cette semaine par le président de région. Région sud. C'est plus la région PACA. Ah, ça s'appelle la région sud maintenant. Wow, c'est mieux que PACA quand même, hein, parce que PACA, c'était pas terrible. Non, PACA, c'est vrai. Donc PACA, c'était quoi? C'est les Pyrénées? Provence, Alpes-Côte d'Azur. Pyrénées, pourquoi pas? Pyrénées, Alsace, Corse, voilà. Et ton grand-père, c'était Charlemagne. Voilà, c'est ça. So the area of the south where Adrian is from used to be... The name of the region used to be PACA, and now they... PACA, it's an acronym for Provence, Alpes, Côte d'Azur. And now it's le sud, the south. On dirait le sud. Yeah. Listen to that one of these days, but it's not like... It's like SoCal. Yeah. PACA, SoCal. And after Noël Guérandais, we're going to listen to Entre Noël et le jour de l'an. De Maryse Le Tarte et Le Mendiant de Noël. Et ensuite, on reviendra pour écouter encore... Est-ce que Le Mendiant de Noël est une version de Enrico Macias, du Mendiant de l'Amour? Non, mais... monsieur. Ça n'a rien à voir avec le Mendiant de l'Amour. Mais bon, c'est une chanson. C'est différent parce que c'est pas pareil. Ça fait partie de la compilation sur les mendiants. Oui, c'est ça. S'il y a un thème mendiant, ça sera dessus. Très bien. OK. Allez, on y va. Pleine de chants joyeux, le bois croque dans le feu. table est déjà garnie. Tout est prêt pour mes amis. Et j'attends l'heure où ils vont venir. Je vins à la messe le jour de la chandeloupe. Elle mit sa plus belle robe qui était de 500 coulous. Néwa. Sa plus belle robe qui était de 500 coulous, la ceinture qu'il en serre faisait bien 10 000 tours. Néwa. La ceinture d'or qu'il lançait faisait bien 10 000 tours. En chemin par où elle passe, les buissons fleurissaient tous. Néwa. Par où elle passe, les buissons fleurissaient tous. En la ville de Guérande, les cloches sonnaient à tour. Néwa. Néwa. Un jour en suspens, songeur et lent, comme le miel glissant calmement entre Noël et le jour de l'an. Soupir entre deux temps, bien-être élégant, un recommencement imminent entre Noël et le jour de l'an. Un rire en bâillant, Scrabble qui s'étend, chatouillement en pyjama blanc entre Noël et le jour de l'an. Au prince charmant, je t'aime vraiment. Écoute, on entend le vent entre Noël et le jour de l'an. Ton souffle dans mon cou, comme au firmament, chant d'un autre temps qu'on entend qu'entre Noël et le jour de l'an. Mesclun de sentiments et plus aucun plan, l'agenda vierge soupire et m'attend entre Noël et le jour de l'an. Ton souffle dans au cœur innocent qui rêve aux rêveries d'antan entre Noël et le jour de l'an. Cri tambour et vin blanc, Tofi collé aux dents, l'évanescent moment présent entre Noël et le jour de l'an. Souffle dans mon cou, un frisson jaloux, un jour contre jour, mais quel jour sommes-nous? people-powered radio. Nearly every voice you hear on the station is the voice of a volunteer with a passion for their community. We are always looking for new, motivated individuals to keep making Fresh Air Community Radio happen. Find out more at our monthly volunteer orientation hosted the first Thursday of every month here at the KFAI studios, 1808 Riverside Avenue. Email volunteers@kfai.org to let us know you're coming and find your on or off-air role at KFAI today. Community radio listeners come from all walks of life. Underwriting through KFAI not only helps you reach a wide range of demographics, it also helps fund the radio you love and helps us continue amplifying the voices of underserved and marginalized communities. Let us help you spread your message by contacting sales at kfai.org or calling our offices at 612-341-3144. Et voilà, on est revenu. Welcome back, everyone. Mm-hmm. We heard that Chloé had a special announcement to make. Okay. A special shout out. Bonjour, Boompa, my grandpa who is listening tonight. Nice. Yeah. I hope he's listening every week. Well, maybe not. Maybe. Maybe he does, maybe he doesn't. But that was very nice. But he just learned how to... to do it online. Yeah. Sweet. So he'll get to listen to all the French music tonight for Christmas. Yes. We were talking about French traditions for Christmas all around and how they differ. So let's talk about it. Pour moi, like my impression of France as an American, I lived there for almost five years. But I do know that like the Grand Fest, there's like a great feast. Grande fête le 24, c'est vraiment le dîner avec tout le monde est là avec le grand table. Et c'est là qu'on mange la dinde en France et non pas évidemment à Thanksgiving vu que. You have the turkey on Christmas instead. And farci then... avec des marrons. Oh, c'est vrai, j'ai oublié les marrons. I forgot about the chestnuts and the turkey. And les huîtres et saumon fumé. Foie gras, saumon fumé, escargot. Les escargots. Oh, escargots, too? Le boudin blanc. Oh. Ah si, c'est bon. Ce n'est pas comme le boudin noir, ce n'est pas fait de la même manière. Yeah. Le boudin noir, c'est le blood sausage. Ce n'était pas tradition, nous, chez nous. Non. Le boudin, non. Le boudin blanc truffé. Non. Oh. Non. Pas le petit boudin. Aux pommes. So non, ça, c'est le boudin noir. Boudin blanc. Ah oui, le boudin blanc aux pommes aussi. Mais nous n'avons pas les mêmes habitudes. Nous, So à Orléans, that's what you're having? Boudin noir et boudin blanc? Non, pas de boudin noir, du boudin blanc. Juste boudin blanc. Oui, oui. Avec des truffes dedans? Il est souvent truffé, donc c'est des petits morceaux de truffes. C'est des truffes, our mushrooms. Yeah, truffles. Mais nous, on ne fait pas ça. Si. Ah non, on a du mal à en trouver ici, du boudin blanc. Ah oui, évidemment. Alors, au sud de la France... Cannes, qu'est-ce qu'on... En Provence, vous mangez. En Provence, les 13 desserts. Les 13 desserts, on a des noix, la pâte de fruits, plein de bonnes petites choses. Mais tu vas nous en rapporter des bonnes choses. Mais oui, parce que j'y vais... On compte sur toi. J'y vais pour Noël, donc... Adrien is going to go back in France for 10 days soon. So yes. We're making sure that he's going to come back with a suitcase full of goodies. Yummy! Yummy goodies. I like pâte de fruits. Pâte de fruits. Yeah. All right. I would recommend that you avoid boudin blanc. White sausage might not pass custom that easily. Oh, you could smuggle too. It. Just kidding. In your pockets. Yeah. Sure. You're happy to see me. How do you choose quand il y a 13 desserts? I mean, est-ce qu'il y a well, you don't choose. You eat them all. Yeah, you kind of dabble around, right? So it's really, it's a little bit of everything. And you share. Usually, it's... Do you do that in your family or is it like a tradition that tends to... It's a tradition. But like, do you do that? Yeah. Okay. Yes. No, because it could be a tradition that, you know, only, you know, like older generations... It is a tradition, you're right. I mean, not necessarily everyone does it, but you do. We do. Yeah, Et à Paris? Frédéric? Well, we talked about it. It was like a little bit like what you said. We were doing like a dinner on the 24th on Christmas Eve with the family, and sometimes it was bigger than others depending on the years, but typically it was, you know, escargot, oysters, foie gras, and and the turkey and champagne when we get we are getting older. Oui, champagne. When we pass like 5 years old. Otherwise it's champomy. Yeah, champomy. No, I'm kidding. We wait a little bit more than five for champagne. Nice. But yeah, that was very much like that. And, you know, Santa was coming. And typically we were lured into like a bedroom or something. Like, look, Santa is coming. And we were going to the window and we could never spot him. And we were coming back in the living room. It's like he was so quick, you know, and he had dropped the gift and stuff. So that was just nuts. In the evening. In the evening, on Christmas Eve. You don't have to wait until the morning? No, because we had, especially when we had family, like, you know, coming. Yeah. Like they were from the suburb or we were going to their place for, for Christmas. We weren't there in the morning, so yeah. That's what Santa decided. But we would always do it on Christmas morning on the 25th. Yes. Yeah, did you? Santa would come the night and bring the presents, and then in the morning, we would open them. It's kind of... I did like the idea better that Santa coming on Christmas Eve with the family being around. Mm-hmm. I think like Santa coming at night is a little bit more creepy, but that's just my opinion. You're and weird. Also, in there is a tradition that is pretty unique. It's in Alsace region, the Christmas market, and you know the vin chaud, the mulled wine. Yeah, I mean there is a whole like it's very magic there. Mm-hmm. Christmas is don't beautiful. Celebrate Saint Nick. Oh, Saint Nicholas. Yes, I think it's December 6th. Yeah, something like Saint Nicholas. I know somebody who does that. All right, should we listen to more music? Yes. Yeah. All right, let's get moving. There's three songs from Henri Dess. Henri Dess is kind of like geared toward kids more, but this is kind of classic and stuff, and I try to pick the songs that are not too repetitive. The first one is C'est le Père Noël. Second one is C'est la nuit de Noël. And the third one is Le Petit Reine au Nez Rouge. The little... Red nose reindeer. So it's about this little guy. So and after that we'll come back for more chatting. On y va. Allez, c'est parti. Qui c'est qui scie, qui c'est qui tape, tape, tape, tape, qui c'est qui fait des petits jouets pendant toute l'année. Qui c'est qui cloue, qui c'est qui scie, qui c'est qui tape, tape, tape, tape, qui c'est qui met les petits jouets dans la cheminée. Qui a la barbe blanche et un grand manteau, qui a la barbe blanche et sa hotte sur le dos. Qui c'est qui scie, qui c'est qui tape, tape, tape, tape, qui c'est qui fait des petits jouets pendant toute l'année. Qui c'est qui cloue, qui c'est qui scie, qui c'est qui tape, tape, tape, tape, qui c'est qui met les petits jouets dans la cheminée. Qui descend du ciel une fois par an, qui descend du ciel pour tous les petits enfants. Qui c'est qui cloue, qui c'est qui scie, qui c'est qui tape, tape, tape, tape, qui c'est qui fait des petits jouets pendant toute l'année, qui c'est qui cloue, qui c'est qui scie, qui c'est qui tape, tape, tape, tape, qui c'est qui met les petits jouets dans la cheminée, qui vient par les toits sur son grand traîneau, qui vient par les toits apporter les petits cadeaux. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. KFAI is supported by Dilla's Ethiopian Restaurant. Dilla's is located at 1813 Riverside Avenue in the West Bank neighborhood of Minneapolis and offers a full Ethiopian menu with vegetarian items, a lunch buffet Thursdays and Sundays, gluten-free injera, and a full bar. Dilla's is open 365 days a year and offers catering for all types of events. More at dillasethiopianrestaurant.com. C'est la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, où tout est endormi. J'avais mis mes souliers devant la cheminée pour que le Père Noël puisse les retrouver. Blottis bien au chaud, au fond de leur lit, tous les enfants sages s'étaient endormis. Mais moi qui suis sage, seulement à moitié, j'avais un œil ouvert et l'autre fermé. Quand soudain de ma couette j'entendis comme un son de clochette, un petit bruit dans la nuit. Au-dessus de mon toit s'approchaient les grelots. C'était un grand renne qui tirait un traîneau avec le Père Noël et tous les beaux jouets. Je crois bien qu'il avait choisi ma cheminée. Il était dodu, joufflu, rigolo, dans sa robe rouge, sa hotte sur le dos. Il m'a dit bonjour, puis a déposé dans mes petits souliers les cadeaux que j'attendais. Je recouvre la verte Finlande et que les reines traversent la lande. Le vent dans la nuit, au troupeau parle encore de lui. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit Renaud Nez Rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange né rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Comme un ange né rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Quand ses frères le virent d'allure aussi leste suivre très digne les routes célestes, devant ses ébats, plus d'un reine resta baba. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit reine au nez rouge, rouge comme un lumignon. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vos fillettes et garçons pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge annonçant le Père Noël. Annonçons le Père Noël. Vive le 26 décembre, y a des jouets plein la chambre, des peluches dans l'escalier, pas la peine de les ranger. C'était pas marrant d'entendre papa, maman me dire depuis presque un mois, si t'es pas sage, il passera pas. Faut dire que c'est fatigant de faire des efforts tout le temps, de jouer à l'enfant modèle pour mériter le Père Noël. Vive le 26 décembre, y'a des jouets plein la chambre, des peluches dans l'escalier, pas la peine de les ranger. Le 26 décembre, c'était bien trop long d'attendre. Maintenant que Noël est passé, y'a plus rien qui peut m'arriver. Faut dire qu'ici sont tous mis, et dans mon école aussi, il fallait faire attention et travailler comme un camion. Faut dire que depuis des semaines, je suis tout gentil, je me démène. Pareil que là-haut, il voit tout. Le Père Noël, il me rend fou. Vive le 26 décembre, y'a des jouets plein la chambre, des peluches dans l'escalier, pas la peine de les ranger. Vive le 26 décembre, c'était bien trop long d'attendre. Maintenant que Noël est passé, y'a plus rien qui peut m'arriver. Parce que sinon, l'année prochaine... C'est vrai que tu pourrais ranger un peu ta chambre tout à l'heure. Vive le 26 décembre. Vive le 26 décembre. Vive le 26 décembre. 26 décembre. Usted necesita de nosotros y nosotros necesitamos de usted. Sea un voluntario aquí en la radio KFI. Visite el enlace kfi.org/volunteer. Regístrese para la orientación de voluntarios que pasen el primero jueves de cada mes a las 6:30 de la noche y encuentre tu puesto en la radio hoy. The Minnesota Spokesman Recorder is looking to add self-motivated, energetic sales reps to our current dynamic sales team. We're looking for experienced self-starters who can bring in a client base or add to our extensive database. Excellent communication, computer word processing skills, the ability to network and work directly with the public are very important skills to have to be part of our team. Please send all inquiries to twilliams@spokesman-recorder.com or admin@spokesman-recorder.com. Attention, sales department. Support for KFAI comes from Foxy Falafel, a casual Mediterranean dining spot with an organic and local-leaning menu of falafel, gyro, kofta, shawarma, and meze. Foxy Falafel offers a new spin on traditional falafel with flavors like curry, beet, foxy, and stoplight, a combination of all three flavors. Gluten-free, vegan, vegetarian, and carnivorous options are available. Located close to the U of M campus on the light rail green line at Raymond Avenue. More information at foxyfalafel.com. Et voilà, on est revenu. So we heard three songs from Henri Dess, and there was an extra after that. So the first one was C'est le Père Noël, or it's Santa. After that it was C'est la nuit de Noël, or it's the night of Christmas. And Le Petit Reine au Nez Rouge, the red-nosed reindeer, the little red-nosed reindeer. But after that, there was another song that's not really a Christmas song, that's a Christmas after song. It's Vive le 26 décembre, and it's from a band called Les Ut, and they say, like, they're singing hooray for December 26, because pretty much they have all their gifts. They can play and mess with it. And the parents have no longer any pressure to say, you got to be nice, otherwise Santa isn't going to come. So that's pressure is off. They can do what the heck they want. And Vive le 26. Vive le 26 décembre. They are taking advantage of it. All right. So très bien. Yeah, it's a fun song. We're going to go back into like more classic things. We're going to listen to Sainte Nuit, or Silent Night, from Francine Roche, our friend from Canada, Quebec. And the song is like both in English and French. Les Trois Cloches, toujours de Francine Roche. Et Noël Blanc, or White Christmas. Then after that, there's going to be our wonderful Lynn Renaud, avec Étoile des Neiges. Mon petit loulou. Oui. Avec Étoile des Neiges. And Étoile des Neiges is a song that always, I mean, there's a movie. Every time I hear that song, I'm thinking about that movie. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Except that for copyright issues, they could not use the actual song. That's why they the words are different. Yeah. Oh. Okay. Yeah. They didn't have the rights. What is it? What does he sing exactly? Well, that will come back to me during the next songs. And yeah, I'm sure. And we can probably put it up on YouTube, too. Yeah, yeah. But it was Les Bronzés font du ski. I can't remember the name in English. Like, Les Bronzés, they have, like, a different name for it. But it's a very funny comedy in skiing, and the guy gets stuck in the... Yeah, and they actually... The like, guy who's the operator... Well, didn't see him. Well, yeah, it's time to go home. So he just, you know, stops everything, goes home, and that poor guy is left sitting on his stuck and cold and on the chairlift. So let's listen to more music. Comme ta flûte Robin, au son de ses instruments, tire-lire-lure, patapatapan. Au son de ses instruments, je dirais Noël gaiement.

une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, comme éloigné, presque ignoré. Voici qu'après 19 années, te rends les mois le chant François. Prends pour épouse la douce Élise, blanche comme une fleur de pommier. Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour, ils se sont mariés. Toutes les cloches sonnent, sonnent, leur voix d'écho en écho, merveilleusement couronne la noce à François-Nico. Un seul corps, une seule âme, dit le prêtre pour toujours. Soyez une pure flamme qui protège, qui proclame la grandeur de votre amour. Village au fond de la vallée, comme éloigné, presque ignoré. Voici, dans la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Et puis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, tout va se desséchant. Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent. Obsédante et monotone, elle redit aux vivants: ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour. Vous trouverez sous son aile avec la vie. L'éternité de l'amour. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, radio without boundaries. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Vous écoutez Bonjour Minnesota. Et on va écouter plus de chansons. And you can follow us on kfai.org. And more songs is the ones we announce. So Noël Blanc, Étoile des Neiges et Chansons pour Noël de Charles Trenet. On y va. Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent. Tes yeux clairs, maman, et je songe à toute le Noël sans revoir. des fleurs par un mariage. Finis mon histoire de la bergère et de son petit savoyard. Saute et danse, les joyeux bergers. Sous le ciel immense, il peut neiger. Vers l'étoile s'avancent des rois étrangers. Ils sautent et dansent, les petits bergers. Les vieux se souviennent des anges musiciens. À vite que reviennent les Noëls anciens. Mais les jeunes s'élancent, ivres de courir, vers la plaine immense dans l'avenir. La cloche a sonné, l'enfant Jésus est né, la vache et le veau lui disent bonjour, bravo. Un coq a chanté, l'enfant Jésus est né, l'oiseau a répété. Depuis longtemps, je l'attendais. Ils sautent et dansent dans la nuit de Noël. Sur les routes de France, les anges du ciel. Et chacun s'enchante de les voir ainsi. Le poète les chante, les enfants aussi. C'est une jolie ronde de joie et d'amour. La ronde du monde dans son plus beau jour. Sous le ciel immense, il est revenu. Noël recommence. Bonjour, petit Jésus. De jazz, ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Ça se voit sur tous les visages. On attend tous impatiemment la venue du vieux personnage, espéré par tous les enfants. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Noël, papa et le papa, du bas. Enfin, le vieux bonhomme qui se met à jouer maintenant, à taper sur son vibraphone pour accompagner les enfants. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Qui sonne, le piano marque tous les temps, les timbales vibrent et résonnent, les enfants chantent bruyamment. rythme-là. Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Noël, papa, les deux, pas la tube du bas. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Et voilà, on est revenu. Et voilà. Super chanson. Noël jazz, c'était vraiment sympa. Ah oui, oui. Yeah. Ça nous met bien dans l'ambiance. Yeah. C'est vrai. Lina c'est... Boudreau. So, yeah, Noël jazz was pretty nice. So, we have lots of other songs lined up. But what's coming up right now is la pastorale des Santons de Provence. Et les Santons de Provence, c'est pas les... Les gens qui sentent bon, you know, ou qui sentent mauvais, non. C'est autre chose. Donc, Adrien va vous expliquer un petit peu. Adrien is going to explain what is la pastorale des Santons de Provence. We're only going to play part of it because it's 15 minutes long and it's more about a story. But and after that, we're going to have more songs and La fille du Père Noël de Jacques Dutronc, Noël de Coluche, ouais. Joyeux Noël Félix du Père Noël est une ordure, ah. Et ouais. Et ensuite, je pense que on reviendra à l'antenne et on parlera un peu plus. Ok. Donc, alors, dis-nous Adrien, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? So the pastoral is it's a tradition in Provence, in the south of France, to believe that Jesus was born in the south of France. So I don't know exactly where he came from, but I guess, you know, back in the day, it was a tough life to live in Provence, and people who live there are very, they believe very strongly, and so they kind of took Jesus home. And so this is what it's about. It's basically a tale about seeing Jesus being born in Provence and having the shepherds sharing the good word that Jesus was born. And so this is exactly what it's about. You're going to listen to a part of that tale, and it basically has that characteristic accent from Provence. So enjoy. All right. Merci. We will. Je suis l'ange Beaufaréo. Ils m'ont appelé comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, jamais il n'avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un moment à l'autre. Et moi, j'avais jamais soufflé aussi fort dans mon instrument. Je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Il faisait Mistral. Un Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les oliviers de Croix ou les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonne heure et ils avaient ramené leur couverture au-dessus de la tête pour pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait baissé la température. J'avais juste mes ailes pour me mettre à l'abri et je commençais à me faire du mauvais sang. J'espinchais de tous les côtés. Enfin, je les ai aperçus. Les pauvres, ils faisaient peine à voir. Saint-Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. De temps en temps, il se retournait et il disait... Et alors, ma belle ? Je n'en peux plus. Oh, encore un petit effort. Tiens, je vois un cabanon, là, tout près. Personne ne veut de nous. Les riches, peut-être. Mais ici, ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Ah, tiens. Mon Dieu, que j'ai mal. Oh, aïe, quelle misère. Ah, nous sommes propres, là. Pas d'argent, pas de maison, et une femme qui va accoucher en pleine nuit, et par un temps pareil. Oh, n'aie pas peur, va. Attends, je vais te porter. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Mais je suis sûr que ça s'arrangera. Mais quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes ? Oh, écoute-moi bien, ma belle. Mais qu'est-ce que je suis, moi ? Un pauvre rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main, de te porter dans mes bras, toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose ? Oh, mais un bonheur comme ça, je ne l'avais pas mérité, moi. Seulement qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Autrement, nous allons à la catastrophe. Et il y aura des gens pour dire que c'est de ma faute. Attends, va, bouge pas. Nous sommes arrivés. Y a quelqu'un ? Ils dorment, les pauvres. Ça m'ennuie de les réveiller, mais je peux pas faire autrement. Vous l'avez entendu, Saint-Joseph ? Il n'y a pas plus brave que cet homme. Il n'aime pas déranger les gens. Et même quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes. Mais elles avaient travaillé toute la journée. Elles avaient le droit de dormir, comme tout le monde. Il leur a dit... Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne qu'on avait tiré du premier sommeil ont failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint-Joseph avec ses grosses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte, ils sont devenus... tout gentil, tout plein d'amitié. C'est caleuse de travailleurs. All right. We've been listening to Le Pastoral, and thankfully, Adrien, he told us that this is something he listens to every year since he was a kid, since in the south of France, they believe that Jesus was born in the south of France, and that's where Bethlehem is, just in their hearts. Yes. It feels really like... Rudolph the Red-Nosed Reindeer type exactly. of animations we listen to in America, but it has such a wonderful feeling. So thank you. And we're posting it on the Facebook page. Yes. So everybody can listen to it. And it's about not an 45 minutes long. Yeah. So you get the whole tale if you listen to wow, it. Wow, pretty long. Fantastic. Yeah, that was like a good story. Yeah. I'm fascinated. Cute. Merci. All right. Well, we're going to listen to announcements. And then we're going to listen to the other song with La Fille du Père Noël and Noël de Coluche. Programming on KFAI is supported in part by MinSure, where Minnesotans compare health plans to find the best plan for their needs. Most people qualify for financial help. There's no charge for enrollment assistance, which is available in person or by phone at 1-855-3-MINSURE or visit MNSURE. Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers, placé devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin, de battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet.

des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais l'oublier avec toi. Oui. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier de ma vie. Hi, this is Larry England, host of Rhythm and Brews, Saturday mornings from 10:30 to noon. After 15 years of presenting jazz from the 20th and 21st century, I'll be stepping down on December 30th. Be sure to join me as I review some of the highlights of the last 15 years with a couple of detours for two other shows that I've hosted, Shake Up Southside and Streetlight Serenade in the early 80s. Tune in Saturday, December 30th at 10:30 a.m. for the last edition of Rhythm and Grooves here on KFAI, Radio Without Boundaries. Et voilà, on est revenu. Ouais. Yeah. So, on a entendu pas mal de chansons. Ça avait commencé avec La fille du Père Noël de Jacques Dutronc. Joyeux Noël, Félix, on a entendu It was a little skit of, a little part of The Père Noël est une ordure. When Josette, Thorfette. She's not happy with Felix, and Felix is kind of like out of control, and everybody's trying to convince him that Felix should calm down, and Zezette find an iron, and she tell him, you know, Merry Christmas, Felix, and bang, she give him a big bang with the iron. I've heard that hurts. Yes, I've heard about that too. I haven't. Very classic Christmas French movie. Yeah. Le Père Noël est une ordure. I've never heard of them. Well, Santa Claus is a piece of crap. Yeah, but there was a very bad remake, like a lot of remakes with Steve Martin, I think. Yeah. I can't remember what the title in English, but they did not. I think they only kept the comedic part, but they cleaned it out. All right, so that was not a social satire. I mean, satiristic and sarcastic. Yeah, no. And I don't think there was the similar scene at the end in the zoo. Yeah. I don't think so. Was there a transvestite, at least? I don't even think so. I don't know. When was that movie even made? 1982? Something, yeah. Wow. Yeah. Or maybe earlier than that. No, I think it's the early 80s. I think it's 82. Mm-hmm. We heard a song from Coluche called Noël, and the last two songs were songs from Johnny Hallyday, who left us recently. There was Mon plus beau Noël and Noël interdit, or Noël forbidden. And we're going to listen to more songs. We're going to listen to another song called Noël. There's a lot of from songs. Edgar Bory, Noël sans vous from Nadja, et Joyeux Noël de Annie Villeneuve. Et on y va. J'ai pensé Noël assis devant le sapin à t'attendre en foule ayant le fin fond des bouteilles. Cadeau payer moins cher début novembre sans le sou consolant mes orteils. Un beau Noël. L'écran HD a plongé par la fenêtre. Ta montre quartier s'est tapé mes coups de marteau. Ta robe Gautier dans l'eau de Javel. Dantesque épopée en souvenir de ma belle. J'ai pensé Noël à me ramasser devant nos photos. Ta fraise barbouillée sur chacune d'elles. Un gros Noël. Sanglots de l'homme au-delà des fûts. Nuit du Tikkun, sa balloune, les balles perdues. Fou braquant le chien de sa carabine, au-dessus des gens gentils qui hallucinent. Baba do ba we ba ba we da Baba do be be de ba ya go wow wow. Un bon Noël. J'ai passé l'hiver souffrant d'un moyen pet au cerveau, rêvant de brindilles mâchées. Quand viendra l'été, la barbe pas faite, vive défaite. Mais j'ai passé l'hiver, la barbe pas faite, vive défaite. Mais j'ai passé l'hiver. mon cœur. Mais à vous seul, vous pourriez les remplir de bonheur. Noël sans vous n'est pas Noël. L'amour lui-même n'est rien sans vous. Et plus que Noël, c'est vous que j'aime. Le feu danse dans la cheminée. Dehors, on tremble de froid. Nuit de Noël, de sapin parfumé partout. Tu fais naître la joie. Et au réveillon, sous le gui, les baisers seront permis. Les enfants, le cœur vibrant d'espoir, en peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent, ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ces simples vœux qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ces simples vœux qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. KFAI is people-powered radio. Nearly every voice you hear on the station is the voice of a volunteer with a passion for their community. We are always looking for new, motivated individuals to keep making Fresh Air Community Radio happen. Find out more at our monthly volunteer orientation hosted first Thursday of every month here at the KFAI studios, 1808 Riverside Avenue. Email volunteers@kfai.org to let us know you're coming and find your on or off-air role at KFAI today. Support for KFAI comes from Senyai Senlek, serving traditional Thai noodle dishes and rice entrees since 2008. Senyai Senlek is located in Northeast Minneapolis at 2422 Central Avenue, near the intersection of Lowry and Central. More information at senyai-senlek.com. All right, we're back. And we are back on the air. Hello. Talking about a little bit of what we heard. We heard Noël de Edgar Bory, Noël sans vous de Nadia, et Joyeux Noël de Annie Villeneuve. The next songs coming up, we have Le Père Noël Noir de Renaud, which is very sarcastic. I mean, like, it's a kind of like a humorous song, more than like a classic one. And after that, we're going to have Petit Papa Noël, so the same version that we heard at the very beginning of the show. But it's going to be by a band called Trust, and it's a more like a metal version in French. Still, I mean, the lyrics are the same as French metal as Petit Papa Noël. And after that, we're going to have À l'ombre des étoiles de Eric John Kaiser. So I have a question. More, yeah. But what about the people who don't do Christmas? That's a good question. Very good question. I think I'm a little bit short on Hanukkah songs, if there are any. But we would. There are some. There's only like Christmas things, and I'm just like, well, there are some people. But that's a very good. That's inclusion, a good question, and we have played some in the past, so we should probably try to find some and put them on our Facebook page. Yes. And people should share them with us by sending. If you do know of great Hanukkah songs or other songs in the spirit of the season, send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. Anytime. On our Facebook page, Bonjour Minnesota, you can contact us, and we are more than happy to respond to any kind of request if we can. So thank you, Chloe. Yeah, no problem. All right. So we're going to listen to more music, and then after that, we'll come back to say goodbye, and because it's going to be Balkan Jam. All right. Jamboree. Oh, Jamboree. Okay. All right, let's listen to Le Père Noël Noir. Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui. Pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes Santiago devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, va savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc. Avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les guiboles et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpaing. Il y avait de la suie et de molaire, le Père Noël est un crétin. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite. Avant que j'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Tu lui avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du Parti Socialiste. M'a carrément amené peau de balle, avait pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche que il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette. Dans le canapé s'est écroulé, pour piquer la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Avec le pinard l'a fait pareil, le Père Noël est un poivreau. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te colle une droite. Avant que j'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Il était fourré comme un polac, le mec, dis donc. Il a fait un boucan d'enfer, il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires. Il a ravagé mes plantations, toute ma récolte d'herbes de Provence. Veuillez me passer l'expression, il a gerbé dessus, quelle élégance. Il s'est paré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça. Il m'a chouravé aussi ma gratte. Il m'a juste laissé le boxon gonflé, le mec, hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire. Heureusement, parce qu'il serait barré avec, hein, il serait pas gêné. Je veux plus jamais le voir chez moi, le Père Noël, c'est un pauvre mec. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne vivre et fais bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Allez, casse-toi, arrache-toi de là. Tout d'abord, je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël. T'es un vrai cambrioleur, ouais. Père Noël noir, t'as déjà vu ça? N'existe même pas, Dieu est noir. Père Noël, il est normal. Non, non, les bottes, non. Le blouson, oui, mais les bottes, non. Donc je vais appeler la police, hein. S'il vous plaît, non, sortez. Faites pas le con. Comment? Présentement? Y a pas de comment présentement, si tu veux, vieux. J'estime que bon, tu n'as pas... Comment? Non, je dis pas que les bottes... Bon, les bottes, je te les file, si tu veux. Mais le blouson, non. Si? Aussi? Bon, d'accord. Ok, les bottes et le blouson. Ma femme? Oui, elle est là, tu veux la voir? Dominique? Y'a un mec qui veut te voir. C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son blanc manteau et les yeux levés vers le ciel. À genoux, les petits enfants vont fermer les paupières. Fais une dernière prière, l'anglais. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les petits souliers, n'oublie pas les petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien revenir. Noël, tu vas voir si froid, c'est un peu à cause de toi. Je viens te le voir le jour où je te lève avec un litige en diamant. Tous les beaux joujoux que je vois. Le sable est passé, les enfants vont faire dodo, et toi tu vas pouvoir flamber avec ta hante sur le dos. Au son des cloches des églises, la distribution des cerises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Mais voilà, we're gonna say good night. Good night. Joyeux Noël. Bonne nuit. Joyeux Noël. Joyeuse fête. Happy holidays. Happy holidays you're celebrating. And happy Kwanzaa. Yeah. And we're going to leave you with one more song until Nicolae with Balkan Jamboree. He has music coming up for the holidays. That is excellent. Fun. So, all right. Good night. Au revoir. Good night. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon rêve. Une nuit de pleine nuit. À vie de tempête nocturne. L'étoile. Dans ce pays étranger, mais la lune a cela de plaisant.